Arrêtez. Ne jouez pas ce jeu, mesdames, de chercher tout le temps à tromper ces messieurs malades d'esthétique à plein temps. On oublie la beauté fatale d'une femme de 100 ans. Le passé, les choses incroyables qui donnent du répondant même à 100 ans. Il s'entend qu'on s'entend toujours vivant. On sent une pousse d'amour en nous roulant. Des gamelles sans mordant. Écoutez ce cœur qui bat, messieurs, à 12 volts, mais c'est mieux qu'un cœur de pierre caché d'un voile qui tournerait pile poil. J'ai pas encore parlé des poils. À mazout, au début du siècle, il réchauffait la pile que l'on se mettait ivre mort autour d'un godet. Quelquefois, la la la la. Quelquefois, la la la la. Quelquefois, la la la la. J'ai pas encore parlé du foie. Celui des hommes, s'il fumait par le ventre, exploserait en morceaux. Trop saut pour arrêter un jour de noyer leur chagrin. Ils en ont donc bien un de grain à l'heure. Ils en ont bien un, deux, trois, 90 ans. Ils s'entendent qu'on s'entend toujours vivant. On sent une pause d'amour en nous roulant. Des gamelles sans mordant. Puis les seins tombent non pas du ciel, mais d'une gorge soutenue. Ou un gros bide sous une veste, sans humour cette fois. J'en ai déjà parlé, déjà, je crois. À 100 ans, on ne vit pas dehors et on reste peu dedans. En parlant de mordant, ça sonne, mais y a pas mort d'homme. C'est marrant. La la la la. C'est marrant. La la la la. C'est marrant. La la la la. Tant qu'y a pas de mourant. Car à 100 ans, la la la la, ils s'entendent qu'on s'entend toujours vivant. On sent une pause d'amour en nous roulant. Des gamelles sans mordant. Le mort aux dents un sainte ni touche ni caresse ni plus rien. Le mort aux dents dans un morceau de sein qu'on relâche pile poil. Peur de griller la pile, la la la la. Ou de friser le poil, la la la la. Ça existe encore, la la la la. Quand on a 100 ans. Car à 100 ans, la la la la la, ils s'entendent qu'on s'entend toujours vivant. On sent une pause d'amour en nous roulant. Des gamelles sans mordant. Jeune con à 20 ans, à 100 ans, il vaut mieux qu'on prenne le temps. Un jeune con sera vieux con à 100 ans, à 20 ans, il vaut mieux qu'on pense pourtant que le temps, que le temps, que le temps ne rend ni con ni les dents. Car à 100 ans, la la la la la. Ils s'entendent qu'on s'entend toujours vivant. On sent une pause d'amour en nous roulant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des quoi? Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant. Des gamelles sans mordant.